demande si tu veux le ticket ticket. Je suis à 10% et tu penses que je me suis appliqué. Impliqué, on l'est, ta bécane, on lève. De là, relève, gros pétard, au lèvres. Pas de café, au lait, souci que tu connais. J'allume tes collègues, je suis sous x3 pour moi. Ton mousseux, il est trop léger. De deux, tu connais la peuf depuis collège. Depuis collège, poignet est lourd. Ice, j'ai du mal à me garer. J'ai reçu des virements à 6 chiffres, le plan est carré. Ramène-moi plus barjot de ton secteur, je vais trouver plus tard. Cookie, cookie, cookie. Je fume ça, je fais ski toutes les bookies. Hey, je pull up à ta partie. Je multiplie le bénéf par 10. Hey, cookie, cookie, cookie. Je fume ça, je fais ski toutes les bookies. Hey, je pull up à ta partie. Bénéf par 10. Hey, la coste élevée, ça ira pas de belle. Girl scout, cookie dans la feuille me fait de l'effet. J'pense à l'argent dès le réveil. Et j'stresse autant que le réfé. J'suis dans le stupéfiant, sa mère la pute, tu peux demander au préfet. Tant que j'ai pas fait le million d'euros, j'pourrais pas dire que j'suis refait. Libérer mes rois en maison d'arrêt, y'a des choses qui font pas marrer. Faut démarrer, je suis paré. De deux en direct de Paris, j'leur faisais gober des parages et des tremons pleins de cara. Et du sable à la garage, j'prends le paper et je m'arrache. Quitte à sauter en parage, j'suis dans ta main, on l'arrache. Ils veulent sauter les étapes, la 808 tape. Billet sur billet, mais je vois encore des gueules qui se tapent. Cookie, cookie, cookie. Je fume ça, je fais ski toutes les bookies. Hey, je pull up à ta partie. Je multiplie le bénéf par 10.